Page 21. Exercice 4. 1. C'est pas la peine de raconter à tout le monde que nous allons divorcer. 2. Finalement, cet événement n'était pas aussi important qu'on l'avait imaginé. 3. Enfin, après avoir vu ce documentaire sur les meubles anciens, ma fille sait ce qu'elle veut faire dans la vie. 4. Le directeur de l'entreprise a contrarié ses employés en changeant les horaires. 5. La presse n'a pas du tout parlé de ce livre.